Nej. Tu es en retard. Ça va, wesh. Bonsoir, monsieur. Ouais. Je peux vous servir quelque chose à boire? Ouais, moi, méga diplo. Deux méga. Merci. Possédé par des entités qui vibrent très bas. Mes anges, mes démons qui s'embrouillent, je peux pas suivre le débat. Je veux qu'on me suce la bite jusqu'à trépas. Qu'on me serve le repas avec du shit très gras. Mon estime de moi-même en piteux état. Pour la plupart de ces trous de balles, je suis phénoménal. L'argent tombe pas du ciel, mais quand jette mon oseille vers un boule, mes lovés planent. Putain, devenir connu, gros, c'est v'là le mauvais plan. Même sans amis, j'ai l'impression d'être du mauvais camp. Je peux plus rire aux éclats, trop d'inconnus qui fixent mes pas. Splitter des tasses ou bien niquer ses tasses jusqu'à l'épuisement. Ça me redonne le sourire, mais péniblement. Je risque de partir dans le dénigrement, mais le disque de platine, c'est de l'étirement. Je suis dans une folie épaisse, dans un délire dense, terriblement. Animé de haine et de paranoïa, c'est un délit, je pense. Viens donc t'asseoir sur mon délicieux banc. Si tu vernis le banc, je te frotte la tête sur le crépi tout blanc. Des flammes de l'enfer, j'entends le crépitement. Resserre-moi un verre, je vois le répit devant. Ah ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Ouais. Je vous mets la même chose, Tout pareil. Très bien. En plus épicé. Ouais. Avec glace. En plus épicé. Juste ça. Si mes désirs changent, faudrait quand même qu'un jour j'arrive à bien m'aimer. Même moi je me regarde et je viens pas m'aider. Est-ce que c'est moi que tu suces ou c'est VALD? C'est vrai que je me prends la tête pour des futilités. Que je pose des questions sans grande utilité. Mais quand je me déteste, c'est pas de l'humilité. Non, c'est que mes démons se sont multipliés. Je suis mal dans ma peau comme un ado boutonneux. Ça va rien changer, ma gueule sous la couronne. Je fais du rap par corps, je fais pas la coupole. Je coupe la vodka au sous-molle. Je veux pas de la gloire, cette bouffonne. Mais plus je fais d'argent et plus c'est tout comme. Je me sens utilisé, je les soupçonne. J'ai tout pour être heureux, c'est pour ça que je débouche. Wesh. Est-ce que je suis venu sur terre pour être capitaliste et me faire sucer la bite? Peut-être. En tout cas, monter une vie de famille en ce moment, c'est comme surréaliste. Soit je rappe, soit je me défonce. Dans les deux cas, je me déshumanise. Je me défonce pour oublier que quand je me défonce pas, je ne fais que du rap. Est-ce que tu visualises? Excusez-moi, monsieur. On a du monde qui commence à se plaindre. Ah ouais. Il est quand même assez tard. Ouais, c'est bon. Justement, si vous pouvez. On va baisser un peu légèrement. Vas-y, excusez-moi. Vas-y, baisse un peu. Qui suis ou quoi? Toujours mon plat sur la liste. Comment je parle? Toujours mon plat sur la liste. Toujours mon dar sa pipe. Elle me demande bébé, mais quand est-ce tu m'arrives? Je réponds, attends, là je fais du ralice. Après seulement, je ferai le point sur ma vie. Lorsque l'on m'adore, je m'enfuis. C'est pour ça que je fixe le plafond. Entre deux albums, je m'ennuie. C'est pour ça que je vide le flacon. Je veux pas pourrir ici comme a dit Maton. Non, 5 ans que j'ai la même équipe. 5 ans qu'ils me connaissent à peu près. Comprennent pas ma génétique. Sans encore égarer de ma recette. Parfois ça me pèse. À la moindre occasion, je redeviens le fou, le petit con, le drogué de service. Premier certain. Mais quand j'achète, ça fait bosser les petits. Légaliser, ça fait chômer les flics. Je vais marquer l'époque, je me fais du mal plus souvent que des potes. Si au micro j'ai des potes, ça ramène que des putes qui me parlent que d'anneaux. J.R. Tolkien, ok, je fais plus les tox, je pense qu'elle est dance. Ou faire des morceaux à clipper sur pop. Chéri bouge pompe, je danse comme un homme sous bientôt juste arrière à Paul. Monsieur, il est 2h du matin, malheureusement nous allons fermer l'établissement. Ouais, c'est quoi votre problème avec moi là-haut? Non, c'est pas contre vous, mais c'est juste que nous allons fermer l'établissement. Laisse-moi finir mon verre au moins, cousin, c'est sérieux? On a payé le verre. Clochard. Eh oh, je dois rendre l'album dans 3 jours, quand est-ce qu'on enregistre le feat? Attends, vas-y, je vais t'en faire un bien. Le bâtard. Non, mais c'est bon, de toute façon.